Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilali, rahmallah, dans sa recherche de la vérité, alors qu'il était encore Tidjane, rencontra Cheikh Mohamed al-Alawi, Cheikh Mohamed ibn al-Arabi al-Alawi, al-Fassi, dans la ville de Fès, au Maroc. Il partit le visiter, rahimahullah ta'ala, et lors de l'une de ses visites, donc après être rentré auprès de lui, il le trouva avec d'autres personnes, parmi les gens de son entourage, donc des gens de l'entourage de Mohamed, Cheikh Mohamed al-Alawi, qui parlait à propos des voix soufis et de la voix Tidjane et qui s'en moquait. Il parlait à propos des voix soufis et il s'en moquait. Et Cheikh Mohamed voulut se lever et partir de cette assise. Car, comme il le dit lui-même, le Cheikh de la voix soufie, donc Ahmed Tijani, a dit que, ou a prétendu donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bien sûr, alors qu'il était éveillé, lorsqu'il lui a ordonné certaines choses, il lui a dit, dis à tes suiveurs, à tes compagnons, de ne jamais s'asseoir avec quelqu'un qui te déteste, car ceci me nuit. Ceci me nuit. Donc nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de cela, donc Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilal, il connaissait cette parole de Ahmed Tijani, le fait que regardez un petit peu comment ils formatent leurs suiveurs. Ne t'assois jamais avec quelqu'un qui te déteste, car ceci me nuit. Et il apparente cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilali, donc, rahimahullah, rapporte qu'il voulut se lever. Et Cheikh Mohamed al-Arabi, ibn al-Arabi, donc, savait que Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilali était sur la voie Tidjane. Et il lui dit, où veux-tu partir? Il lui dit, je veux partir parce que je veux partir. Donc, il lui dit au début, je veux partir aux toilettes. Azakumullah. Et il dit, j'ai menti pour cela. Mais il se leva donc pour partir, pour ne pas assister. Il le dit lui-même, j'ai menti pour pouvoir me lever de cette assise, pour partir de la maison. Il dit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, partir de la maison. Et au moment où il se leva pour partir donc de la maison, et aller, donc c'est-à-dire sortir pour aller autre part aux toilettes, rentrer chez lui, etc. Ici, pourquoi j'ai rappelé cette chose-là? Parce que c'est, donc les suiveurs de ces voies-là sont prêts même à mentir, à commettre un grand péché pour éviter de tomber dans les interdits. Non pas les interdits d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les interdits du cheikh de la voix soufie. Al-Muhim, revenons à ce débat. Au moment de ce débat, donc, Cheikh Mohamed al-Arabi dit à Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilali, je vois que tu es perturbé, tu n'es pas bien. Je voudrais te faire un débat avec toi à propos de la voix Tijan. Il dit, je vois que tu n'es pas bien parce qu'il a parlé donc devant lui de la voix Tidjane, des voix soufis, etc. Il lui dit, je veux faire un débat avec toi à propos de la voix Tidjane. Soit ce que je dis est vrai et à ce moment-là, tu devras délaisser la voix Tidjane, ou soit c'est toi qui es dans la vérité. À ce moment-là, dans tous les cas, la vérité doit être acceptée, doit être suivie. Il dit donc, à propos de quoi tu veux débattre? Cheikh Mohamed al-Arabi dit, je veux débattre à propos de la prétention de Ahmed Tijan qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam éveillé, non pas dans un rêve, et que ce dernier a donné sallallahu alayhi wa sallam à Ahmed Tijan la voix Tijan avec tous ses mérites qui entourent cette voix que nous avons étudiée ensemble dans ces 10 points qui ont été évoqués par Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Il dit donc, si tu arrives à me convaincre que ceci est vrai, eh bien, la vérité doit être suivie. Mais si c'est moi qui te convainc, eh bien, tu devras suivre la vérité, délaisser la voie Tidjane. Cheikh Mohamed Taqiddine al-Hilali dit, donc, accepta donc ce débat. Il dit donc, Mohamed ibn al-Arabi, j'ai des preuves, et chacune de ces preuves que je vais t'évoquer sont suffisantes pour rendre caduque cette prétention d'Ahmed Tijan. Cheikh Mohamed Taqiddine lui dit, donne-moi ces preuves et je te répondrai. Il commença. Je vais vraiment résumer ces preuves, mais il commença. Il lui dit, la première chose, la première divergence qu'il eut entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée après sa mort, juste après sa mort. Et Al-Ansar, à ce moment-là, on dit, les auxiliaires, donc on dit « Ô Muhajiroun, un émir de nous et un émir de vous ». Et le Muhajiroun, on dit que ceci est inacceptable. Puis il y eut un débat entre eux, et c'était un gros débat à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui était pesant pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Cheikh Mohammed ibn al-Arabi dit à Mohammed Taqiddin al-Hilali, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas apparu à ses compagnons, s'il pouvait apparaître comme il l'a fait à Ahmed Tijan et donner des recommandations comme il l'a fait à Ahmed Tijan, comment il n'est pas apparu à ce moment-là pour dissiper les problèmes qu'il y avait entre eux à propos de sa succession, donc des problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté, des grands problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté, mais il est apparu à Ahmed Tijan 1200 ans après cela pour lui dire ceci et cela, que tu fais partie de ceux qui ne seront pas touchés par un mal, ni ceux qui te suivront, et pour lui donner telle et telle chose, comme on l'a entendu, al-wird, al-wadifa, etc., etc. Comment cela ? Al-Sheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali a dit, donc bien sûr Mohammed ibn al-Arabi lui dit, ceci n'est-il pas plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse à ses compagnons ? Il n'y a pas un plus grand bien pour l'ensemble de la communauté à ce moment-là, plutôt que 1200 ans après, pour donner telle et telle chose, une chose qui n'est pas très, très importante et en même temps qui n'est pas qui est incompréhensible, pour donner ceci à Ahmed Tijani. Mohammed Taqiddin al-Hilali de lui répondre en disant, Cheikh Ahmed Tijani a répondu à ceci lors de sa vie, lors de son vivant. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre et il donne en privé à une personne privée et ce qui est général aux personnes générales, aux personnes de la masse lors de sa vie. Mais après sa mort, eh bien, cette rencontre n'est plus possible. Cette rencontre s'est arrêtée. Donc la rencontre générale avec les gens généraux, les gens de la masse. Il reste uniquement après sa mort la rencontre particulière privée à la personne particulière privée. Cette chose-là ne s'est pas arrêtée après sa mort. Et c'est cette chose-là qui s'est produite avec Ahmed Tijani. Donc ceci est l'explication d'Ahmed Tijani, comme il est rapporté dans Jawahir al-Ma'ani. Et Cheikh Mohammed ibn al-Arabi, al-Fassi, a dit, écoute, je n'accepte pas, en premier lieu, que dans notre sharia, dans notre législation, il y ait des personnes qui sont des personnes khas, privées, et des personnes âmes, des gens de la masse. C'est-à-dire ici, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire une chose qui sera donnée uniquement à des personnes privilégiées et aux privilégiaires, et une chose qui sera donnée uniquement à des personnes ou qui sera donnée à chacun. Plutôt comme vous l'avez vu précédemment, comme on l'a évoqué, c'est une petite parenthèse dans le cours de la semaine passée, ceci est une chose qui ressemble à la croyance de l'Batiniya, parmi Ar-Rafida ou l'Ismailiya et autres que cela, le fait que la religion a une chose qui est apparente, que tout le monde peut voir, et une chose qui est cachée, que seules les personnes particulières et privées peuvent connaître. Les personnes ayant atteint un rang, etc. etc. Il dit donc, je n'accepte pas cette chose-là, déjà qu'il y ait ceci dans notre sharia. Ceci n'existe pas dans notre sharia. Et en plus, et ceci car les règles, les cinq règles de base de notre religion doivent pouvoir s'appliquer à une chose qui est légiférée. Sinon, si elle ne s'applique pas, c'est que cette chose n'a jamais été légiférée, donc est une innovation. Et donc, à propos de ce word et de ses mérites, etc., elle devrait pouvoir s'appliquer, c'est-à-dire que c'est une chose soit obligatoire, soit recommandée, soit autorisée, soit détestable, soit interdite. Et bien sûr, cette chose ne s'applique pas à ce word, etc. Et il rapporte la parole de Ali ibn Abi Talib dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où on lui posa la question, donc l'un parmi les suiveurs, At-Tabi'un, c'était donc Abu Juhayfa, lui posa la question, et dans une version c'est rapporté par Abu Tufayl, le Mohim, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari par Abu Juhayfa, où ce dernier posa la question à Ali ibn Abi Talib, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a particularisé par quelque chose, ou vous les gens de la maison, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib de répondre, radiyallahu anhu, de jurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas particularisés par une chose, si ce n'est la compréhension qui est donnée à une personne du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si ce n'est la compréhension du livre d'Allah qui serait donnée à une personne ou ce qui se trouve dans cette feuille, ce feuillet qu'il a évoqué, c'est un feuillet dans lequel étaient marqués certains hadiths, étaient inscrits certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelques règles de la religion, donc quelque chose qui n'est pas propre aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Muhammad ibn al-Arabi de surenchérir sur cet argument et de dire comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne particularise pas les gens de sa maison et ses successeurs à propos d'une chose, mais il particularise cette personne Ahmed Tijani à la fin des temps, c'est-à-dire ces dernières années, ou en l'occurrence pour nous ces derniers siècles, par une chose qui va à l'encontre même du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Muhammad Taqidin al-Hilal de répondre, Cheikh Ahmed Tijani est un savant du livre et de la sunna, et sa réponse est une réponse qui est acceptable pour celui qui cherche à l'accepter. Cheikh Muhammad ibn al-Arabi lui dit, retiens cette chose. La deuxième chose, le deuxième point, la deuxième preuve que j'ai contre toi, la divergence qui lutte entre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose qui est connue auprès de vous. Il dit, Muhammad ibn al-Arabi, donc après avoir détaillé un petit peu, donc chose que je ne ferai pas ici, il dit, cette chose qui mit un froid entre Abu Bakr as-Siddiq, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son ami intime, et sa fille Fatima, cette chose qui mit un froid entre eux, est une chose bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agrée pas. N'était-il pas meilleur qu'il apparaisse pour juger de leur dispute et dissiper ce froid qu'il eut entre eux, plutôt que d'apparaître à Ahmed Tijan 1200 ans après sa mort pour telle et telle chose? Cheikh Mohamed Taqidin el-Hilali de lui dire, la réponse que j'ai est la même que je t'ai donnée la fois précédente. Il lui dit donc, Muhammad ibn al-Arabi, retiens cette chose. La troisième preuve, ce qui est arrivé entre Talha et Zubayr et Aïcha d'un côté et Ali ibn Abi Talib d'un autre côté, c'est-à-dire les dissensions qu'il y eut entre As-Sahaba, ce qui a amené certains d'entre eux, même si c'était un petit nombre, et beaucoup de Tabi'in à se disputer à propos de certaines choses qui sont connues, donc sur lesquelles je ne m'étalerai pas ici, et la mort de certains d'entre eux, dont certains, ou même d'un nombre conséquent d'entre eux, d'entre At-Tabi'un, parmi donc les musulmans, cette chose, cette dissension qu'il y eut entre eux, n'était-il pas plus en droit donc de réclamer donc l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ceci ne demandait pas plus l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger et pour dissiper ce qu'il y eut entre eux, plutôt que son apparition à Ahmed Tijani à 1200 ans après sa mort pour telle et telle chose, Cheikh Mohamed Taqidin al-Hilali de lui dire, ma réponse est la même, et Cheikh Mohamed ibn al-Arabi de lui dire, retiens cette chose. La quatrième de ces preuves, la divergence qui lutte entre Ali et Al-Khawarij, ce qui entraîna le sang versé de grand nombre de musulmans. Cette chose-là n'était pas plus importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse pour juger de cela et dissiper la dissension à cette époque-là et préserver le sang des musulmans. Cheikh Mohamed Taqidin al-Hilali de lui dire, ma réponse est la même. Cheikh Mohamed ibn al-Arabi lui dit, retiens cette chose et réfléchis bien. Et j'espère qu'après avoir bien réfléchi, tu reviendras vers la vérité. La cinquième des preuves, la divergence qui lutte entre Ali et Muawiyah, ce qui entraîna la mort de plusieurs parmi As-Sahaba, parmi eux Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, ce grand compagnon. Cette chose n'était-il pas plus en droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse pour dissiper ces dissensions et juger de la vérité à propos de cela, plutôt que d'apparaître à une personne 1200 ans après sa mort, Ahmed Tijani, pour telle et telle chose? La parole de Cheikh Mohamed Taqidin al-Hilali à ce moment-là est, ma parole ou ma réponse est la même que celle que je t'ai donnée. Et Cheikh Mohammed ibn al-Arabi de lui dire, retiens cette chose et réfléchis bien. Et Inch'Allah, nous nous reverrons à une autre assise pour parler. Cheikh Mohammed Taqiddin al-Hilali dit qu'ils se sont revus plusieurs fois après cela. Après avoir bien réfléchi, il trouva la certitude dans ce qui a été évoqué par Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi al-Fasi rahimahullahu ta'ala. Et cette certitude qu'il trouva en lui-même l'obligea à sortir de la voie tidjane, à se repentir et à revenir vers la sunna.